Maintenant qu'on a vu le présent, l'impératif et le subjonctif, ainsi que la position des pronoms, maintenant qu'on a vu tout ça, je voudrais qu'on revienne au futur. Au futur, on a deux sons, deux terminaisons de base, et ce, quel que soit le verbe. La terminaison « re » pour le « je », à partir de laquelle on obtient « remos » pour le « nous », et la terminaison « ra » pour « il »,« elle » et « usted », à partir de laquelle on obtient « ras » pour « tu » et « ran » pour « il » ou « elle » au pluriel et « ustedes ». Alors qu'au présent, on accentuait l'avant-dernière syllabe, au futur, c'est sur la dernière syllabe qu'on insiste à l'oral, c'est-à-dire sur la terminaison. Re, ra, etc. Sauf pour la forme avec nous, qu'on accentue sur l'avant-dernière syllabe, sur le re de remos. Alors, comment dit-on « je l'achèterai » ? Lo compraré. Bien. Lo compraré. Donc, on part de l'infinitif comprar et on ajoute un e. Et c'est comme si on frappait la terminaison. Donc, on insiste sur re. Compraré. Lo compraré. Je l'achèterai. Et nous l'achèterons. Lo compraremos. Lo compraremos. Donc, si vous entendez re à la fin d'un verbe, vous savez que c'est la forme du « je » au futur. Et de la même manière que « remos » correspond au « nous » au futur. « Il ou elle l'achètera » se dira « lo comprara ».« Lo comprara », oui. Et « ils l'achèteront » « lo compraran ».« Lo compraran ». Et « tu l'achèteras » Lo compraras. Lo compraras, oui. Et je vous écrirai, a usted. Le escribe, escribere. Quel est le verbe? Escriber, non, c'est escribir. Oui, c'est ça. Donc, je vous écrirai, ça sera... Escribire. D'accord. Donc, le verbe est... Escribir, on part de l'infinitif et on ajoute « et », accentué. Donc, je vous écrirai « les ». « Les escribirai ». D'accord, « les escribirai ». On frappe la terminaison « re ».« Les escribirai ». Et il vous écrira ?« Les escribira ». Bien. Les escribirá. Nous vous écrirons. Les escribiramos. Non, les escribiremos. C'est ça, les escribiremos. Donc, on a d'une part re et remos et d'autre part ra, ras, ran. Alors, vous, usted, m'écrirez. Ça se dira. Me escribira. Encore une fois. Me escribira. Me escribira. D'accord. Donc, ça c'est si vous, vous voyez votre interlocuteur. Et si vous le tutoyez, donc, tu m'écriras, ça sera... Me escribiras. Me escribiras, oui. Et il ou elle ne m'écriront pas... No me escribiran. Bien. Très bien. No me escribirán. Comment dit-on prendre? Prendre... Prendre se dit to... Ah oui, tomar. Tomar. Et je ne le prendrai pas. No lo tomaré. Bien. No lo tomaré. Et nous le prendrons? Tomaremos. Le, nous le prendrons. Lo tomaremos. Lo tomaremos, oui. Ils ne le prendront pas. No lo tomarán. Bien, no lo tomarán. Donc, nous avons re, remos, e, ra, ras, ran.